الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. On continue la lecture et la traduction du livre Taysir al-Allam, explication de Umdat al-Ahkam. La semaine dernière, on avait expliqué un seul hadith, qui a été court en plus, le hadith de Abdullah ibn Abbas, qui l'a appris. Hadith 210. Qui l'a appris? Nabil? Man, ça va pas toujours être Hassan qui va réciter. Qui d'autre? Sofiane? Man? Yoro? Hassan? Taïd, tafadhal. ابن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات ما لم يجد عليه فليلبس خفين ومن لم يجد إزارا فليلبس ثم قال المؤلف رحمه الله الحديث الحادي عشر بعد المئتين le 211e حديث et ici le chapitre Babu Talbiyah c'est un nom le nom d'un chapitre qu'a donné Cheikh Al-Bassam celui qui explique le livre comme il l'a dit dans la muqaddima de du livre du Hajj, où le Cheikh, rahimahullah, a choisi pour bien distinguer les différents sujets de donner un nom à différents chapitres. Le chapitre de ce que porte celui qui est en état de sacralisation, et ici le chapitre de la Talbiyah. Puis viendra le chapitre de l'interdiction pour la femme de voyager sans mahram. Donc ici, Babu Talbiyah, c'est un nom qu'a donné Cheikh Al-Bassam et non Al-Hafidh Al-Maqdisi, rahimahullah. Al-Hadith al-Hadi ashar ba'd al-mi'atayn. An Abdillah ibn Umar radiyallahu anhuma, anna talbiyata Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, labbayk Allahumma labbayk, لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك رواه البخاري ومسلم قال وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل هذه الزيادة عند مسلم le 211e حديث selon عبد الله بن عمر رضي الله عنهما Il dit que la talbiya du prophète sallallahu alayhi wa sallam était « labbayk Allahumma labbayk ». C'est-à-dire « Je viens à toi ou je réponds à ton appel, ô Allah, je réponds à ton appel ».« Labbayk la sharika laka labbayk ». « Je réponds à ton appel, point d'associé à toi, je réponds à ton appel ».« Inna alhamda wa ni'mata laka wal mulk ». La louange et les bienfaits sont à toi ainsi que la royauté. La sharika lak, point de divinité à toi. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et selon Abdullah ibn Umar, et Abdullah ibn Umar ajoutait à cette talbiya, la baik, je réponds à ton appel, la baik wa sa'daik, Je réponds à ton appel, wa sa'daik, c'est-à-dire que je demande ton aide dans ton adoration. Je demande une aide après une aide. Je demande ton aide après ton aide pour ou dans ton obéissance. Wal khayru bi yadayk, et le bien est entre tes mains. Wa raghba ilayka wal amal, et la demande se dirige à toi ainsi que les œuvres. قال الشيخ البسام رحمه الله الغريب لبيك مصدر محذوف العامل جاء على صيغة التثنية ولم يقصد به التثنية وإنما قصد به التكثير واختلفوا في معناه لاختلافهم في مأخذه فهل هي الإجابة بعد الإجابة أو الانقياد أو الإقامة في المكان وملازمته أو الحب بعد الحب إلى آخره ولا منافاة بينها بل هي متلازمة لأنها تفيد معنى الإقبال على الشيء والتوجه إليه فمعنى ألب بالمكان أقام فيه ولزمه. Puis il dit رحمه الله l'explication des termes qui les termes qui méritent explication. لبيك qui est un مصدر محذوف العامل qui est cité ici بصيغة التثنية sous la forme du duel. Or, ce n'est pas le duel qui est voulu, mais c'est la quantité. C'est-à-dire la baik. Je réponds à ton appel, je réponds à ton appel. Ici, il a la forme du duel, la baik. Mais le sens est que, qui est voulu, c'est le fait je réponds sans cesse à ton appel. Je réponds sans cesse à ton appel. Je réponds sans cesse à ton appel. Et cela est similaire au verset de Sourate Al-Mulk, où Allah Azza wa Jalla a dit ثم ارجع البصر كرتين. ثم ارجع البصر كرتين. C'est-à-dire, puis retourne ton regard deux fois. Ici, Allah Azza wa Jalla s'adresse à l'être humain qui contemple la création d'Allah, et notamment le ciel. هل ترى من فطور? Est-ce que tu y vois une imperfection ou une faille? ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Puis, retourne ton regard deux fois et le regard reviendra humilié et frustré de ne pas avoir pu constater une quelconque faille dans la création d'Allah Azza wa Jal. Et ici, lorsque Allah Azza wa Jal dit, farji'i al-basara karratayn, regarde, retourne ton regard à deux fois. Ici, les savants disent que le but n'est pas de regarder deux fois, mais de contempler plusieurs fois. De contempler plusieurs fois et de rechercher plusieurs fois, à savoir si la création d'Allah Azza wa Jal connaît une faille ou non, et bien sûr, la création d'Allah est parfaite. Donc ici, la forme de la baik, la forme linguistique, est une forme du duel, mais le sens est « je réponds à ton appel sans cesse ». Et les savants ont divergé sur le sens de la baik. Et leur divergence est due à l'étymologie du mot. À l'étymologie du mot, ou sens initial du mot, qui a plusieurs sens. Est-ce que le sens est « je réponds à ton appel après avoir répondu » ou est-ce que le sens est « je me soumets à toi comme je me après m'être soumis » ou le sens est de rester dans un endroit. Là-bas, parmi ces sens, c'est de rester dans un endroit et de ne pas bouger. Et ici, le sens qu'aurait là-bas en parlant de, avec le sens de rester dans un endroit, c'est-à-dire, je persiste et je reste dans ton obéissance après être resté dans ton obéissance. Ou le sens également, al-hub ba'd al-hub. Je t'aime après t'aimer. Donc, je t'aime sans cesse. Et Cheikh Al-Bassam dit qu'il n'y a pas de contradiction entre ces différents sens et que ces différents sens se soutiennent les uns les autres. Et le sens de la talbiya, c'est le fait d'aller vers une chose et de se diriger vers celle-ci. Inna alhamda bikasri alhamzati wa fathiha wal kasru ajwad wa ashmal ma'na لأن الفتح معناه تعليل الإجابة بسبب الحمد والنعمة فقط والكسر للاستئناف فيفيد الإجابة المطلقة عن الأسباب قال ثعلب من كسر الهمزة كان معناه الحمد لك على كل حال ومن فتح قال لبيك لهذا السبب. Ici soyez attentif. إن الحمد, la louange. Ici, on peut dire inna alhamda ou anna alhamda. Les deux sont autorisés. La baik Allahumma la baik, la baik la sharika la ka la baik, inna alhamda wa ni'mata la ka wal mulk, ou anna alhamda wa ni'mata la ka wal mulk. Et Cheikh al-Bassam dit que avec le kasr, la kasra, cela est meilleur et plus général. Et le sens est plus fort et plus général lorsque l'on dit inna alhamda. Car si l'on dit anna alhamda, cela signifie que je te réponds grâce à ta louange et à tes bienfaits uniquement. Tu dis la baik Allahumma la baik, je réponds à ton appel, oh Allah, je réponds à ton appel. Je réponds à ton appel, point d'associé à toi. Si tu dis « Anna alhamda wa ni'mata laka wal mulk », c'est-à-dire « Je réponds à ton appel parce que la louange et le bienfait t'appartiennent. » Je réponds à ton appel parce que la louange et le bienfait t'appartiennent. Donc, la raison pour laquelle tu réponds à l'appel d'Allah, c'est la louange et les bienfaits d'Allah. Donc ici, c'est le sens de cela quand il y a une fatha, anna alhamda. Or, si tu dis inna alhamda, ici, tu commences une nouvelle phrase. L'istinaf, tu commences une nouvelle phrase. Donc tu dissocies, je réponds à ton appel, oh Allah, je réponds à ton appel, je réponds à ton appel, point de divinité et point d'associé à toi. Donc ici, tu réponds à l'appel d'Allah Azzawajal de façon inconditionnelle, sans raison. Et quel est le mieux, de répondre à Allah pour une raison ou de répondre à Allah sans raison? De répondre à Allah sans raison. Pour cela qu'il est meilleur de dire « Inna alhamda wa ni'mata laka wal mulk ». Tha'lab a dit: celui qui met une kasra dans la hamza, inna alhamda, c'est-à-dire que alhamdulaka ala kulli hal, que la louange t'appartient quelles que soient les situations. Wa man fataha qala labbayka li hadha sabab. Et celui qui dit inna alhamda, c'est-à-dire que je réponds à ton appel pour cette raison particulière. ثالثا سعديك القول في تصريف لفظه مثل القول في لبيك ومعناه مساعدة في طاعتك بعد مساعدة سعديك. Ici aussi c'est un mot dont la forme est le duel. Or ce n'est pas le duel qui est voulu, mais c'est de montrer la répétition. Et la signification de sa'daik, c'est-à-dire je demande ton aide dans ton obéissance après avoir obtenu ton aide dans ton obéissance. C'est-à-dire je te demande sans cesse ton aide dans ton obéissance. Ar-raghba'u tuqalu bil maddi wal qasr fa in muddat futiha ar-ra'u wa in qusirat dhummat. وهما من الرغبة كالنعماء والنعماء من النعمة وقيل الرغباء الضراعة والمسألة. الرغباء، الرغباء إليك والعمل. Ici on peut dire الرغباء avec le med ou sans le med. Si l'on dit الرغباء avec le med, avec le alif après le ba, alors فتحت الراء. Alors il y a une fatha sur le ra. On dit الرغباء. Et si l'on dit الرغباء sans le med, alors on mettra une dhamma sur le ra. On dira الرغباء. الرغباء. Il est dit que le sens de الرغباء c'est الضراعة والمسألة. C'est le fait de exprimer son besoin vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala. وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ. La demande se dirige vers toi ainsi que les œuvres. قال الشيخ البسام رحمه الله المعنى الإجمالي. Et dans la Talbiya, lorsque l'on dit je réponds à ton appel, ou Allah je réponds à ton appel, c'est l'appel de Ibrahim alayhi salam lorsque Allah azza wa jalla lui a ordonné وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا, lorsque Allah azza wa jalla a ordonné à Ibrahim alayhi salam d'appeler les gens à venir accomplir le pèlerinage. Et les pèlerins jusqu'à la fin des temps qui disent labbaik Allahumma labbaik répondent à cet appel d'Ibrahim alayhi salam qu'Allah azza wa jalla lui a ordonné de proclamer. المعنى الإجمالي: التلبية شعار الحج وعنوان الطاعة والمحبة والإقامة والاستجابة الدائمة إلى داعي الله تعالى, وهي تحتوي على أفضل الذكر من التزام عبادة الله وإجابة دعوته ومطاوعته في كل الأحوال مقترنا ذلك بمحبته والخضوع والتذلل بين يديه ومن إفراده بالوحدانية المطلقة عن كل شريك في إلهيته وربوبيته وسلطانه, كما تحتوي إثبات كل المحامد له وبإثباتها تنتفي عنه النقائص مع إسناد النعم كلها إليه دقيقها وجليلها ظاهرها وباطنها, كما تحتوي على إثبات الملك المطلق فهو المتصرف القاهر الذي بقبضته كل شيء ولا ينازعه أحد في ملكه بل الجميع خاضع له ذليل بين يديه, وإثبات هذه الصفات العلى التي فيها الثناء على الله وإثبات المحامد والوحدانية والتصرف تفيد وصفه جل وعلا بها مفردة, كما أن اجتماعها يفيد معنى زائدا يليق بجلاله الذي هو أهله, وذلك كمال ناشئ عن اقتران صفة بصفة, فكونه مالكا كمال وكونه الحمد له كمال واجتماعهما كمال زائد على كما على الكمالين, فله الصفات العلى والمحامد الكاملة, وإثبات هذه الصفات يوجب للعبد إفراده بالعبادة والمحبة والتوجه والإقبال والخوف والرجاء وغير ذلك من متعلقات العبد بربه ومولاه. Le sens général de ce hadith. Il dit, rahimahullah, que la talbiya est l'emblème du pèlerinage. Et c'est l'enseigne de l'obéissance et de l'amour. Et c'est ce qui montre le fait que l'on répond sans cesse à l'appeleur d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est ici Ibrahim alayhi salam. Et la talbiya comporte les meilleures évocations qui montrent que l'on s'attache à l'adoration d'Allah Azza wa Jal seul et que l'on répond à son appel et que l'on obéit à Allah Azza wa Jal dans toutes les situations et que cette obéissance est accompagnée de l'amour d'Allah Azza wa Jal, de l'humilité devant lui, subhanahu wa ta'ala. Cette talbiyah comporte également l'unicité absolue à Allah Azza wa Jal, qu'Allah Azza wa Jal n'a aucun associé, ni dans son, dans sa seigneurie, ni dans son adoration, ni dans son pouvoir, subhanahu wa ta'ala. De même que cette talbiyah comporte et atteste que les louanges appartiennent à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et en louant Allah, subhanahu wa ta'ala, l'on l'exempte et l'on purifie Allah, subhanahu wa ta'ala, de toute faiblesse. Car pourquoi est-ce qu'on loue Allah? On loue Allah? Naam? Pourquoi est-ce qu'on loue Allah? Qui dit Alhamdulillah ici? Naam, qui dit Alhamdulillah ici? Qui le dit? Une personne? Tout le monde le dit. Pourquoi est-ce qu'on dit Alhamdulillah? La reconnaissance d'Allah, la reconnaissance des bienfaits d'Allah. Ça, c'est une raison. Naam, on loue Allah de par sa perfection. Car Allah Azza wa Jal a les noms les plus beaux et les attributs les plus parfaits. On loue Allah car Allah Azza wa Jal a les noms les plus beaux et les attributs les plus parfaits. Donc lorsque tu loues Allah, tu purifies Allah de tout défaut. Pour cela que ici Cheikh Al-Bassam dit كما تحتوي إثبات كل المحامد له وبإثباتها تنتفي عنه النقائص. Et en attestant et en faisant un louange à Allah Azza wa Jal, tu attestes qu'Allah est purifié de tout péché. Beaucoup pensent qu'on loue Allah uniquement parce qu'il nous comble de bienfaits. Cela est vrai, mais ce n'est que la moitié de la raison et de la réponse. Donc, quand on loue Allah, on le loue parce qu'il est parfait, subhanahu wa ta'ala, et également, le fait que tu loues Allah Azza wa Jal, tu attribues et tu attestes que tous les bienfaits que tu perçois, quel que soit ce bienfait, qu'il soit petit ou grand, qu'il soit apparent ou caché, que tous ces bienfaits proviennent d'Allah Azza wa Jal. وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنْ اللَّهِ. Et il n'y a pas un bienfait dont vous bénéficiez sans qu'il ne provienne d'Allah. كَمَا تَحْتَوِي عَلَى إِثْبَاتِ الْمُلْكِ الْمُطْلَقِ. De même que la talbiya contient l'attestation de la royauté absolue à Allah Azza wa Jal. Inna alhamda wa ni'mata laka wal mulk. Allah Azza wa Jal est le seul administrateur de cet univers. Et Allah Azza wa Jal possède toute chose et personne ne peut concurrencer Allah Azza wa Jal dans son royaume, car toutes les créatures sont soumises à Allah Azza wa Jal. Puis il dit, rahimahullah, que l'attestation de ces différents attributs prouve, chaque attribut prouve la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inna alhamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Que chacun de ces attributs montre la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait que différents attributs d'Allah Azza wa Jal soient cités les uns après les autres donne encore plus de sens à la perfection divine subhanahu wa ta'ala. Et ces sens forts amènent le serviteur à aimer Allah, à se diriger vers lui, à le craindre et à l'espérer. Ma yukhadu min al-hadith. أولا مشروعية التلبية في الحج والعمرة وتأكدها فيه لأنها شعاره الخاص، ويأتي الخلاف هل هي واجبة أو مستحبة إن شاء الله. Ce que nous retient du hadith, premièrement, que la talbiya est légiférée pendant le hajj et la umrah, et que la talbiya est l'emblème particulier du hajj et de la umrah. Et viendra par la suite la divergence des savants au sujet de la talbiya. Est-elle obligatoire ou bien est-elle seulement recommandée ? ثانيا الأفضل أن تكون بهذه الصيغة فقط للاتباع ولما تحتويه هذه الجمل من المعاني العظيمة ولما فيها من صفات الله الجليلة فإن زاد فلا بأس. Deuxièmement, il dit rahimahullah que le mieux est que la talbiya soit prononcée de cette façon uniquement. Ceci afin de concrétiser de façon parfaite le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On dit cette talbiya, car comme l'a dit Abdullah ibn Umar, c'était la talbiya du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car cette talbiya également comporte des phrases qui ont des sens immenses et elle comporte les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il dit, rahimahullah, et celui qui ajoute à cette talbiya, il n'y a pas de mal. Et dans un autre hadith, ici c'est une parenthèse que je fais, il est rapporté de façon, dans un hadith jugé bon par un certain nombre de savants, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait également, la baika ilaha al-haq. La baika ilaha al-haq. Je réponds à ton appel, ô toi, la vraie, la divinité de la vérité. Ou la vraie divinité, ou le véritable, ou la vraie divinité qui mérite d'être adorée. ثالثا, إن التلبية شعار الحج كالتكبير شعار الصلاة. فيستحب الإكثار منها, لا سيما عند الانتقال من منسك إلى آخر, وارتفاع على نشز أو هبوط في منخفض. أو التقاء الحجيج أو فعل محظور لأن فيها التذكير على الإقامة على طاعة الله والاستجابة لداعيه. قال الشيخ الإسلام ولا يزال يلبي في ذهابه من مشعر إلى مشعر حتى يرمي جمرة العقبة, فإذا شرع في الرمي قطع التلبية فإنه حينئذ يشرع في التحلل. Troisièmement, la talbiya est l'emblème du pèlerinage comme le takbir est l'emblème de la prière. Lorsque l'on s'incline, qu'est-ce que l'on dit ? Qu'est-ce que l'on fait ? Le takbir. Lorsque l'on commence la prière, on fait le takbir. Lorsque l'on s'incline, on fait le takbir. Lorsque l'on se prosterne, on fait le takbir. Donc l'emblème de la prière, c'est le takbir. Et l'emblème du hajj, c'est la talbiya. Donc, il est recommandé de beaucoup dire la talbiya, de la répéter beaucoup, notamment lorsque l'on passe d'un rite à un autre. Lorsque l'on passe d'un rite à un autre. Lorsque l'on monte sur une colline, lorsque l'on descend une vallée, lorsque les pèlerins se rencontrent ou lorsque le pèlerin commet une erreur. Car il y a, dans le fait de répéter la talbiya, le rappel que l'on reste obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala et que l'on répond à l'appeleur d'Allah azza wa jal. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a dit, et le pèlerin ne cesse de faire la talbiya lorsqu'il va d'un rite à un autre, jusqu'à ce qu'il lance la grande stèle, Jamrat al-Aqaba, et ceci le jour de l'Eid. Lorsqu'il lance la grande stèle, alors il arrête la talbiya, car à ce moment-là, il lui est autorisé de faire le tahallul. Le tahallul qui est le fait de sortir de l'état de de sacralisation. Et celui qui lance et qui lapide la grande stèle le jour de l'Eid, il entre dans le tahallul al-asghar, le petit tahallul. Et ça, on verra par la suite que le tahallul est de deux sortes. Il y a le tahallul mineur et le tahallul majeur. Rabi'an, تقدم في المعنى الإجمالي ما تحتويه التلبية من أنواع الذكر من الإقامة على طاعته وإثبات الوحدانية المطبقة له وإثبات المحامد وإسناد النعم إليه والإقرار بملكه وقهره وسلطانه المطلق فهي محتوية على توحيد الإلهية والربوبية والأسماء والصفات. On a vu précédemment dans le sens général du hadith tout ce que comportait et contenait la talbiya comme forme d'évocation et comme sens, le sens de persister dans l'obéissance à Allah, attester l'unicité d'Allah Azzawajal, attester les louanges à Allah et attester que les bienfaits proviennent de lui, attester de la royauté d'Allah Azzawajal et de son pouvoir absolu. Ainsi, la talbiya comporte les trois formes d'unicité. L'unicité de la seigneurie, l'unicité de l'adoration et l'unicité des noms et attributs. خامساً ما دامت التلبية شعار الحج فينبغي رفع الصوت بها للرجال أما المرأة أما المرأة فتخفض صوتها خشية الفتنة بهذه العبادة الجليلة. Cinquièmement, à partir du moment où la talbiya est un emblème du pèlerinage, il est demandé aux hommes d'élever leur voix en la prononçant. Quant à la femme, elle se doit de baisser sa voix en disant la talbiya de peur d'être une tentation dans cette adoration immense. اختلاف العلماء أجمع العلماء على مشروعية التلبية في الحج لأنها شعاره واختلفوا هل هي ركن أو واجب أو سنة فذهب إلى أنها سنة الإمامان الشافعي وأحمد ودليلهم أنها ذكر كسائر الأذكار لا يجب بتركها شيء وذهب مالك وأصحابه إلى أنها واجبة يأثم تاركها ويصح حجه وعليه دم وذهب أبو حنيفة والثوري وأهل الظاهر وعطاء وطاووس وعكرمة إلى أنها ركن لا يصح الحج بدونها ودليل هؤلاء أنها شعار الحج كما أن تكبيرة الإحرام وتكبير الانتقالات شعار الصلاة وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخل بها وكان يقول خذوا عني مناسككم وهي من أعظم المناسك وفي الحديث أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال وهي التلبية والأمر يقتضي الوجوب قلت وهذا قول جيد وحجته قوية وقد التزمها ولله الحمد المسلمون جميعا فلا تجد محرما إلا وهو يقولها في نسكه مرات فمن مقل ومكثر. Il dit رحمه الله la divergence des savants. Les savants sont unanimes sur le fait que la talbiya est légiférée, pendant le pèlerinage, et que c'est son emblème. Et ils ont divergé, est-ce que la talbiya est un pilier, ou une obligation, ou une sunna? L'imam al-Shafi'i et l'imam Ahmad sont de l'avis que c'est une sunna, qu'elle est recommandée, et donc que ce n'est ni une obligation, ni un pilier. Et leur preuve est que la talbiya a été citée comme le reste des rappels et le reste des évocations, et que celui qui la délaisse n'a rien à donner, comme l'ensemble des évocations. Le professeur Hassan nous conseille de dire, nous encourage de dire, Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah al-azim. Celui qui ne le dit pas, est-ce qu'il a quelque chose à faire? Est-ce qu'il y a une compensation à donner? Non. Eh bien, l'imam al-Shafi'i et l'imam Ahmed ont dit que La talbiya est comme toutes les autres formes d'évocation d'Allah Azza wa Jal. Et Malik, l'imam Malik, est de l'avis qu'elle est obligatoire et que celui qui ne la dit pas a commis un péché. Mais son pèlerinage reste valide. Il doit, s'il délaisse la talbiya, égorger une bête qu'il devra donner aux pauvres de la Mecque. Donc pour l'imam Malik, la talbiya est obligatoire, mais ce n'est pas un pilier. Ce n'est pas un pilier. L'imam Abu Hanifa al-Thawri, Ahlul Zahir, ceux qui prennent le sens apparent des hadiths, Atta, Tawus et Ikrimah, sont de l'avis que la talbiya est un pilier et que le pèlerinage ne peut être valide sans avoir dit la talbiya. Et leur preuve est que la talbiya est l'emblème du pèlerinage. De la même façon que le premier takbir et les takbirs que l'on dit durant les différents mouvements de la prière sont l'emblème de la prière, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a jamais délaissé. Et il disait sallallahu alayhi wa sallam, prenez de moi mérite. Et la talbiya fait partie des rites les plus importants dans le pèlerinage. Et dans le hadith authentique, rapporté par l'imam Tirmidhi et l'imam Ibn Majah entre autres, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Jibril est venu et m'a ordonné d'ordonner à mes compagnons d'élever leur voix pendant la talbiya. Bil ihlal, et ici l'ihlal c'est la talbiya, wal amru yaqtadil wujub, et l'ordre implique l'obligation. Lorsque le professeur Hassan nous ordonne une chose, c'est que cette chose est obligatoire jusqu'à la preuve du contraire. Et Cheikh al-Bassam dit, et cet avis est bon, et sa preuve est forte. Et par la louange d'Allah, les musulmans l'ont mis tous en pratique. Tu ne trouves pas un muhrim, une personne en état de sacralisation, sans qu'il ne prononce la talbiya pendant ses rites plusieurs fois. Certains disent la talbiya plus que d'autres. Fa'idah, qala Sheikh al-Islam, ma khulasatuh. النية في الحج والعمرة لا خلاف بين المسلمين في أن الحج والعمرة لا يصحان بدونها وأصل ذلك أن النية المعهودة في العبادات تشتمل على أمرين هما قصد العبادة وقصد المعبود وهو الأصل الذي دل عليه قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وأما قصد العبادة فهو قصد عمل خاص يرضى به ربه من صيام أو حج أو غيرهما وهذه النية التي تذكر في كتب الفقه المتأخرة فالنية الأولى يتميز بها من يريد حرث الآخرة ممن يريد حرث الدنيا ويتميز بها المسلم من الكافر أما الثانية فهي تمييز أنواع العبادات وقال رحمه الله ولا يكون رجل محرما بمجرد ما في قلبه من قصد الحج ونيته فإن القصد ما زال في القلب منذ خرج من بلده ولا بد من قول أو عمل يصير به محرما والتجرد من الثياب واجب في الإحرام وليس شرطا فيه فلو أحرم وعليه ثيابه صح ذلك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وباتفاق أئمة العلم وعليه أن ينزع اللباس المحظور. Puis Cheikh al-Bassam dit une remarque. Cheikh al-Islam a dit, rahimahullah, il résume la parole de Cheikh al-Islam en disant que l'intention dans le Hajj et la Umrah, il n'y a pas de divergence entre les musulmans que le pèlerinage et la Umrah ne peuvent être valides sans l'intention. Et l'intention est de deux sortes. Il y a l'intention dans laquelle l'on veut, l'on désigne l'adoration, et il y a l'intention dans laquelle on désire celui qui est adoré. D'accord ? L'exemple, je prie Salat al-Asr. Je prie pour qui? Pour Allah. Ici, c'est Qasdul Ma'boud. Je prie pour Allah. Donc, mon intention, c'est de prier pour Allah. Et je prie quoi? Je prie la prière de l'As. Donc, mon intention est de prier l'As. Ici, c'est l'intention dans laquelle je distingue mon adoration. Donc, l'intention est de deux sortes. On distingue celui qu'on adore et on distingue l'adoration que l'on accomplit. Et ceci est prouvé dans la parole d'Allah Azza wa Jalla dans sourate Al-Bayyinah, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Il ne leur a été ordonné que d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif. Le fait de vouloir l'adoration, c'est-à-dire de vouloir accomplir un acte particulier dans lequel on obtiendra la satisfaction d'Allah, comme le jeûne, le pèlerinage ou autre. C'est cette intention dont parlent les savants dans la jurisprudence islamique. Innamal a'malu binniyat. Et le prophète Sam a dit que celui qui se marie c'est quoi? Vous connaissez pas ce hadith là? Naam? Naam. Celui qui se marie en recherchant un bien mondain, alors il aura ce pourquoi il a accompli cette adoration. Donc, l'intention qui distingue les différentes adorations est celle qui est le sujet des juristes de l'islam. Quant à l'autre intention, c'est celle qui distingue celui qui recherche l'au-delà de celui qui recherche la vie d'ici-bas. C'est celle qui distingue le musulman du non-musulman. Celui qui adore, qui fait une adoration pour autre qu'Allah, il est musulman ou pas? Il sort de l'islam. Et il dit, rahimahullah, cher l'islam Taymiya, et un homme ne peut être considéré en état de sacralisation uniquement par l'intention qu'il a d'accomplir le hajj. Car celui qui accomplit le pèlerinage a l'intention de l'accomplir au moment où il sort de chez lui. Mais le fait d'avoir cette intention d'accomplir le pèlerinage, est-ce que ça fait de lui une personne en état de sacralisation? Non. Il dit « Wa la budda min qawlin aw 'amalin yasiru bihi muhrima ». Il faut obligatoirement une parole ou un acte qui feront de lui une personne en état de sacralisation. Et le fait de porter les vêtements de l'ihram ne suffisent pas pour être en état de sacralisation. فَلَوْ أَحْرَمَوْ عَلِهِ ثِيَابُهُ. S'il fait, ou plutôt le fait d'enlever les vêtements n'est pas une condition de l'ihram. Le fait d'enlever les vêtements n'est pas une condition de l'ihram. Celui qui entre en état de sacralisation sans avoir enlevé ses vêtements, est-ce que son pèlerinage est valide ou pas? Oui, mais il devra donner une compensation. Il devra donner une compensation. Et ici, cela nous amène au fait de dire la baik Allahumma umratan ou la baik Allahumma hajja. Est-ce que cela est considéré comme prononcer une intention? Oui ou non? Oui ou non? Vous dites tous oui, alors que la réponse est non. An-niyya mahalluha al-qalb. L'intention réside dans le cœur. Et les savants sont unanimes sur le fait que l'intention, on ne la prononce pas. Et que de prononcer l'intention, at-talaffudhu bi-niyyati bid'a. At-talaffudhu bi-niyyati bid'a. Le fait de prononcer prononcer l'intention est une innovation. Tandis que quelqu'un vient vous dire, d'accord, c'est une innovation. Quand tu fais la umrah, tu dis pas la baik Allahumma umratan? Ce n'est pas une exception. Le fait de dire la baik Allahumma umrah, je réponds à ton appel, oh Allah, par une umrah, ce n'est pas une intention. Les savants disent que, ici, c'est watahrim. C'est ce qui te met en état de, c'est la formule qui fait en sorte que tu entres en état de sacralisation. Comme takbirat al-ihram. Takbirat al-ihram dans la prière. À partir de quand tu es considéré en étant dans la prière? À partir de quand? Où tu fais le premier takbir, tu dis Allahu Akbar. Dans la prière, là tu es en état de prière. Tu n'as pas le droit de rire, tu n'as pas le droit de boire, tu n'as pas le droit de manger, tu n'as pas le droit de dire des paroles communes, d'accord? Donc, de la même façon que le fait que tu dises Allahu Akbar, takbirat al-ihram, t'interdit de faire des choses et fait en sorte que tu es en état de prière, eh bien, de la même façon, lorsque tu dis labbaik Allahumma umratan ou labbaik Allahumma hajjatan, tu entres en état de sacralisation. Et ce n'est en aucun cas une intention. Ce n'est en aucun cas une intention, car l'intention, tu l'as déjà. L'intention, tu l'as déjà. Et également, pour terminer sur le sujet de la talbiya, que la talbiya ensemble, en groupe, n'est pas légiférée, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a jamais fait, n'a jamais ordonné de la faire. Donc, la talbiya est une proclamation qui se dit de façon individuelle. Et si chacun l'a dit de façon individuelle et que les voix des personnes sont amenées à coïncider sans que cela soit volontaire, les savants disent qu'il n'y a pas de mal à cela. Et dernier point également que j'ajoute sur ce sujet, c'est le sujet de l'ishtirat, de conditionner, et cela est cité dans le hadith de Duba'a bint Zubayr, un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, lorsque elle est partie voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour accomplir le pèlerinage, mais elle était malade. Elle a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je suis malade. Le prophète alayhi sallatu wa sallam lui a dit, Hujji wa shtariti. Fais le pèlerinage et pose ta condition. Anna mahilli haythu habastani. Que je ne serai plus en état de sacralisation au moment où tu m'auras arrêté. Allahumma mahilli haythu habastani. Oh Allah, je me désacraliserai au moment où tu m'auras arrêté. Et les savants disent que l'ishtirat, le fait de poser une condition, il est légiféré de le faire lorsque cela est justifié. Car ici, cette femme est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et a dit qu'elle était malade et qu'elle voulait accomplir le pèlerinage. Autrement dit, qu'il y a un risque que, à cause de sa maladie, elle ne puisse pas terminer son pèlerinage. Dans ce cas, la formule de l'ishtirat est légiférée, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de dire, oh Allah, je serai désacralisé au moment où tu m'auras, ou à l'endroit où tu m'auras arrêté. Et le bénéfice de l'ishtirat, c'est quoi? C'est que, si tu ne dis pas l'ishtirat, si tu es malade par exemple, et que tu ne dis pas Allahumma mahili haythu habastani, celui qui entre dans le rite du pèlerinage ou de la umra doit obligatoirement le terminer. Allah Azza wa Jalla dit wa atimmu al-hajj wa al-umrata lillah. Complétez le hajj et la umra pour Allah. Il est interdit de rentrer en état de sacralisation pour accomplir une umra, puis après avoir fait le tawaf, tu dis non, c'est bon, je veux plus faire la umra, j'arrête. Tu n'as pas le droit, cela est interdit. Car Allah Azza wa Jalla dit wa atimmu al-hajj wal-umrata lillah, et accomplissez et complétez le hajj et la umra pour Allah. Si tu ne dis pas cette formule de condition, si jamais tu es malade et que ta maladie ne te permet pas de terminer ton hajj, tu es obligé d'être rapatrié en urgence dans ton pays d'origine pour y être soigné, et tu n'as pas pu terminer ton pèlerinage. Si tu as fait l'ishtirat, tu n'auras aucune compensation à donner. Si tu n'as pas fait l'ishtirat, alors tu dois sacrifier une bête que tu distribueras aux pauvres de la Mecque et tu devras retourner accomplir le pèlerinage l'année suivante si tu as retrouvé la bonne santé. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.